Le seul fait, comme épris d'engagement solennel, les soldats allemands sont maintenant installés sur les bords du Rhin, interdit pour le moment la négociation. Nous ne sommes pas disposés à laisser placer Strasbourg sous le feu du canon allemand.